La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile Edmond Cesset. Introduction à la Cité de Dieu. Notice sur Saint-Augustin et la Cité de Dieu. L'auteur de la Cité de Dieu naquit le 13 novembre 354 à Tagaste, petite ville de Numidie, peu éloignée d'Hippone. Monique, sa mère, était chrétienne, et l'Église l'a mise au rang des saints. Son père Patrice, resté dans les liens du paganisme, ne s'opposa point à ce qu'Augustin, dès sa naissance, fut marqué du signe des catéchumènes et apprit à prononcer avec respect le nom du Christ. Lui-même, au moment de la mort, demanda et reçut le baptême. L'éducation d'Augustin fut très soignée, bien que sa famille n'eût que de modiques ressources. Après avoir fait ses premières études à Tagaste, il alla les perfectionner à Madaurus, ville voisine, rendu notable par Apulée et où se conservaient, à ce qu'il paraît, quelques traditions littéraires. À 16 ans, il fut rappelé par son père qui ne tarda pas à s'en séparer de nouveau pour l'envoyer aux grandes écoles de Carthage. C'est dans les Confessions qu'il faut lire le récit de 16 années de fougueuse jeunesse troublée par l'orage des passions. Saint Augustin, loin de s'y peindre en beau, se maltraite le plus qu'il peut et ne dissimule rien, ni son goût pour les spectacles et les plaisirs, ni sa liaison avec une femme qu'il aima d'un amour ardent et fidèle, et qui le rendit père, à 19 ans, de cet Adéodat tant chéri et tant regretté. Confession, livre 3, chapitre 1 et 2, livre 4, chapitre 2, livre 9, chapitre 6. Cependant la passion des études se mêlait à toutes les autres. Augustin lut l'Hortensius de Cicéron, et ce livre fit en son âme une sorte de révolution. De l'étude des mots, elle le tourna, nous dit-il, à celle des choses. Confession, livre 3, chapitre 4. L'esprit tout occupé de la méditation des plus sérieux problèmes, mais encore inexpérimenté et plein d'illusions, Augustin se laissa gagner à la doctrine des manichéens, où il persévéra 9 années entières, sans vouloir, du reste, sortir du rôle de simple auditeur, ni pénétrer dans la hiérarchie des élus, parce qu'il gardait toujours au fond de l'âme une secrète hésitation. Sur la distinction des audiores et les electi, voyez les Confessions, livre 5, chapitre 10. Ayant perdu son père et forcé de se créer des ressources, nous le voyons ouvrir à Carthage une école de rhétorique, remporter le prix de poésie, et recevoir la couronne, en plein théâtre, des mains du proconsul Vindicianus, puis, de plus en plus avide de gloire, de science, de mouvement, partir, malgré les instances de sa mère, quitter Carthage pour Rome, et, peu après, Rome pour Milan, où la protection de Symmaque l'avait fait charger d'un cours public d'éloquence. Ce fut là que la philosophie de Platon et la parole de saint Ambroise mirent un terme aux irrésolutions de sa vie. Voyez notre introduction, chapitre 1er. Platon le fixa dans les idées spiritualistes, saint Ambroise et l'écriture sainte dans la foi du Christ, et à 33 ans, il reçut le baptême avec son ami Alippe et son fils Adéodate. Peu après, il quitta Milan pour retourner en Afrique. Il avait perdu sa mère. La mort de son cher Adéodate avait déchiré son cœur. Il ne songeait plus qu'à fuir le monde, il aurait voulu réunir auprès de lui ses plus chers amis, Alippe, Nébride, et Vode, choisir un lieu de retraite, et là suivre le genre de vie établi du temps des apôtres, c'est-à-dire n'avoir rien en propre, mettre tout en commun, distribuer à chacun le nécessaire selon son besoin et passer ainsi une vie innocente et paisible dans la méditation des mystères éternels. Voyez la vie de saint Augustin écrite par Posidius, son disciple et son ami, chapitre 5. Telle n'était point la destinée de saint Augustin. Ordonné prêtre, comme malgré lui, sur l'acclamation impérieuse des habitants d'Hippone, il devint bientôt coadjuteur de l'évêque Valère, et dès ce moment, sa vie se partagea entre les soins du sacerdoce et la composition de ses principaux ouvrages, destinés pour la plupart à combattre les grandes hérésies du temps, le manichéisme, qui niait l'unité de Dieu et le libre arbitre, les doctrines de Pélagie et de Célestius, ennemis de la grâce, le donatisme enfin, espèce d'hérésie nationale, très puissante en Afrique qui menaçait l'Église d'un schisme. En d'autres écrits, saint Augustin approfondissait le dogme, dirigeait l'exégèse, ou enfin, s'attachait à confondre les païens et à ramener les philosophes. Tous ces grands desseins sont poursuivis à la fois dans la Cité de Dieu, vaste composition qui a des droits particuliers à notre attention et dont nous aurons tout à l'heure à parler plus longuement. Peu après avoir terminé cet ouvrage, dernier effort de son génie et résumé de tous ses travaux, saint Augustin mourut à Hippone, alors assiégé par les Vandales, le 28 août de l'an 430, à l'âge de 76 ans. Une partie de la population avait quitté la ville, et beaucoup de prêtres s'étaient enfuis avec elle, sous prétexte de lui continuer leur ministère. Saint Augustin, en vrai pasteur, voulut rester au milieu de son troupeau. Il s'enferma dans Hippone, malgré son grand âge, prodigua les consolations aux combattants et aux blessés. Accablé d'inquiétude et de soins, dit son plus éloquent historien, Monsieur Villemain, il expira le cœur déchiré par les maux de son pays et les yeux attachés sur cette cité céleste dont il avait écrit la merveilleuse histoire. Le livre de la Cité de Dieu n'a pas été fondu d'un seul jet. Commencé en 413, il n'a été terminé qu'en 426 ou 427, et n'a pas coûté moins de 14 années de travail à saint Augustin. On a cité Monsieur Moreau, dans la préface de sa traduction, de lettres intéressantes à Volusien et à Marcellin où se trouve le premier dessin de l'ouvrage, mais ces lettres sont de 412, et déjà, dans un de ses meilleurs travaux d'exégèse, le de la Genèse au sens littéral, commencé en 401, saint Augustin annonçait expressément la Cité de Dieu et en indiquait avec force l'idée fondamentale. Parlant des deux amours, l'amour de soi porté jusqu'au mépris de Dieu, l'amour de Dieu porté jusqu'au mépris de soi, il disait, ces deux amours ont bâti deux cités. L'un, égoïste et impur, a fait la cité de la terre. L'autre, sociale et sacrée, la cité du ciel. Nous décrirons un jour ces deux cités dans un autre ouvrage, si c'est la volonté de Dieu. Livre 9, numéro 20. La première traduction de la Cité de Dieu est de Raoul de Presles, avocat au Parlement, qui, en récompense de son travail, fut pourvu par Charles V, d'une charge de maître de requête. On peut voir à la bibliothèque Sainte-Geneviève un très beau manuscrit de cette version, elle a été imprimée deux fois, à Abbeville en 1486, à Paris en 1531. En 1570, Jean-Cian Hervé, d'Orléans, chanoine de Reims, publia une traduction nouvelle, enrichie du commentaire de Louis Vives. Le XVIIe siècle nous donne jusqu'à trois traductions, mais il faut citer avant toutes celles d'un avocat, nommé Pierre Lombert, qui eut l'insigne honneur d'être lié avec messieurs de Port-Royal, de leur inspirer de l'estime, et même de demeurer quelque temps dans leur maison. Lombert, dans son avertissement, cite deux autres traductions contemporaines, celle de Monsieur Cerisier et celle de Monsieur Giry de l'Académie française, qui n'a traduit que les 10 premiers livres. Il apparut de nos jours deux versions de la Cité de Dieu, l'une, de Monsieur Louis Moreau, l'autre qui fait partie de la collection des auteurs latins publiée sous la direction de Monsieur Nizard, et où l'auteur n'a traduit, comme Giry, que les 10 premiers livres, reproduisant dans les 14 autres la version de Lombert. Nous avons eu sous les yeux la plupart de ces travaux, dont il ne nous appartient de dire, ni beaucoup de mal, puisque nous en avons profité, ni beaucoup de bien, puisque nous avons espéré faire mieux. Du moins pouvons-nous assurer que nous n'avons négligé aucun secours. Plusieurs savants hommes ont commenté la Cité de Dieu. Vivès, Coquet, Ardoin, Larcher. Du côté de l'érudition et de la littérature générale, Vivès laissait peu à désirer. Coquet et les doctes et modestes éditeurs de Saint-Augustin ont épuisé, pour éclaircir la Cité de Dieu, toutes les ressources de la théologie et de l'exégèse biblique. Qu'avions-nous à faire? Bien choisir, d'abord, au milieu de ces richesses, et puis ajouter avec sobriété le fruit de nos études philosophiques. Nous avons rétabli les titres de chaque livre, et de chaque chapitre. Ces titres, à la vérité, ne sont pas de Saint Augustin, mais ils sont consacrés par une tradition très ancienne que les bénédictins ont continuée, et, ce qui est encore plus décisif, ils sont absolument indispensables pour guider le lecteur dans une composition infiniment compliquée, où le fil de l'exposition échappe sans cesse aux yeux les plus attentifs. Nous avons soigneusement vérifié toutes les citations et singulièrement celles de la Bible, qui sont au nombre de plusieurs milliers qui, servant de preuve autant que d'ornement à l'ouvrage, font partie intégrante du texte de Saint Augustin. Qu'il nous soit permis d'espérer que ce travail, dont nous n'avons pas été médiocrement occupés durant 4 années, sera de quelque secours et de quelque intérêt pour tous les admirateurs de Saint Augustin, je veux dire, pour tous les chrétiens philosophes et pour tous les philosophes qui marchent dans les voies de Platon. Markendanarchive.org, 2019, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.